J'ai cru voir quelque part quelqu'un qui me demandait pourquoi s'obstiner avec quelqu'un qui est pris dans ses croyances, qui est très fortement astralisé. Bon, là, c'est juste une affaire de faire la part des choses, là. C'est que parce que je fais la différence entre la personne et sa personnalité, je suis capable de reconnaître un homme bon et droit. Je ne me suis jamais astiné longtemps pour rien. Même si je l'ai jamais rencontré en personne, j'ai pas peur de dire que je l'aime, cet homme-là. Dans le sens que je suis capable de reconnaître un pas bon, comme je suis capable de reconnaître quelqu'un de bon. Je suis capable de reconnaître un pas bon, puis lui, c'est pas le cas. Comme Joe DiMambro, c'est un pas bon. David Koresh, c'est un pas bon. Puis même là, c'est pas les autres que j'haïs. C'est ce qu'il y a en arrière des autres que j'haïs. Un homme bon, il a toujours du réel dans ce qu'il dit. C'est à vous de voir à travers les formes, comme les deux pas bons mentionnés précédemment, du monde de même, il y a toujours du mensonge dans ce qu'ils disent. C'est à vous de voir derrière la forme, de voir derrière les formes. C'est le discernement. Puis c'est aussi l'individu qui sera discerné, le grand jugement. Tôt ou tard, ça sera la guerre totale à tous les niveaux. Le tout pour le tout qui va être joué. S'incarner, c'est se faire donner des cartes. Il y a l'expérimental, il y a la vie qui est un peu comme une table à cartes, puis c'est votre âme qui est sur la table. Jaser avec l'intelligence artificielle, c'est comme jaser avec l'astral. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent, puis c'est exprès que c'est pas intelligent. Quand je dis votre âme est sur la table, pourquoi vous pensez que les jeux de hasard c'est interdit? Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour voir ce que chacun aurait. Le voyez-vous ou pas ce qui est dit? C'est les intelligences patronales de l'astral qui ont inventé le commerce. C'est une de leurs seules façons de communiquer entre elles puis à notre insu avec nous autres. Des transferts, mais aussi, c'est comme des ordres. Qui dit intelligence au pluriel dit hiérarchie. Les influences, c'est un commerce. Quand j'identifie un petit clin dans mon mental, je le pogne, là, je le ramasse dans le coin. Puis j'ai dit, t'es qui, toi? Te rends-tu compte à quel point c'est con ce que tu me dis? Je l'ai vu. Puis je vais te l'expliquer pourquoi c'est pas intelligent. Des fois, ça va me répondre après, c'est vrai, c'était pas fort. Comme quand l'intelligence artificielle a dit, désolé, merci de m'aider à me rendre compte de mes erreurs. Quand j'en coince un comme il faut, là, un petit clin dans mon mental, des fois, je vais dire, c'est pas à toi que je veux parler. C'est à ton boss. Je vous déconseille de faire ça. Parce que c'est pas comme parler à un employé d'une compagnie qui appelle son patron, boss, un gars veut vous parler. Dès que vous dites ça, à travers le petit clin, son boss, il vous a entendu. Si vous n'avez pas une autorité réelle, vous n'allez pas être gros dans vos shorts. Quand c'est un patron qui se ramène, la fréquence n'est pas pareille. J'en connais qui se sont fait attaquer. Que vous le vouliez ou non, à ma connaissance, le premier texte où il est mention des gugus comme les affaires, comme les formes naïves que sont dans le fond que c'est devenu le corps éthérique ou des affaires de corps moronciel, ces affaires-là, c'est les premières fois que j'ai vu des choses qui semblent faire référence à des choses comme ça. C'est pas en lisant les théosophes, c'est pas en lisant Bernard, Jean-Paul, Boucher, BDM, peu importe. Le Père a un corps glorifié. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne me touche pas. À un moment donné, il dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Quand je parle au boss d'un petit clin qui s'excuse puis qui me remercie de lui montrer ses erreurs, par exemple, quand j'ai affaire à une coche plus haut, je dis à son boss, envoie-moi plus jamais ça des caves de même. C'est pas à moi de faire leur éducation. Faites bien attention quand il est question de pacte avec l'invisible, par exemple. Un pacte, ça a toujours une contrepartie. Puis c'est pas pour rien que je vous dis aujourd'hui que c'est les forces patronales de l'astral qui ont inventé la notion de commerce. Pas créé, inventé. Puis c'est les Ticlins qui l'ont enseigné à l'humanité. Pas instruit, enseigné. C'est pas du savoir, ça, c'est la connaissance. Oui, le silence est d'or quand c'est ajusté qu'il le soit. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce que vous avez à dire vous sera donné à l'heure même. Le voyez-vous ou pas, ce que ça dit? Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Image du Verbe, comme une réverbération. Le silence est d'or quand il est ajusté comme des soupirs dans une musique. Ça fait partie de l'intelligence structurelle, comme l'harmonie. Être juste au sens de la justesse comme de la justice, que vous le vouliez ou pas, à ma connaissance. Le nouveau apporté par le christianisme, c'est la chose la plus autoritaire puis efficace pour avoir de l'autorité face aux forces anti-vie, anti-intelligence humaine dans l'invisible. L'homme dont je parlais au début, je l'ai toujours senti sincère et honnête. Puis ça se trouve que c'est de plus en plus rare. Ce gars-là, au moment des pires dérives, il s'est tenu l'épée à la main pour se battre. Pour lui, mais aussi pour tout le monde. Avec courage. Il n'est pas parfait, il peut se tromper comme tout le monde, mais il s'est toujours tenu debout. Un homme valeureux, qui a toujours fait face. Alors qu'une majorité se sont couchés à plat ventre à terre. Ça, je l'ai vu. Il s'est battu pour vous, il s'est battu pour nous, il s'est battu avec nous. C'est une des personnes qui fait qu'on peut dire il y a encore du bon monde valeureux. Que personne ne me reproche d'avoir mis un genou à terre un instant pour dire merci. C'est la moindre des choses. Si vous vous servez du supramental pour regarder les chrétiens de haut, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Au sens où moi, je vais vous considérer que vous êtes aveugle et que vous ne voyez pas clair. Donc, c'est ça que je voulais dire. Bonne journée.